dans le plaisir d'accueillir Jacques Ellus, hein, qui participe très souvent à nos manifestations, notamment en Lorraine, hein, mais qui connaît très bien le monde champenois également. Donc, qui est... faut que je parle plus fort ou... Pardon. Je suis loin du micro. Oui, effectivement, j'entends le retour maintenant. Donc, qui connaît bien la région, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine en histoire médiévale, et auquel je cède immédiatement la parole pour, avec sa verve habituelle, nous transmettre son savoir. Merci, Laurent. Quand on parle de Moyen-Âge, de guerre au Moyen-Âge, on pense tout de suite aux chevaliers, Ivanhoé, etc. Mais, en fait, les non-nobles ont beaucoup participé aux campagnes militaires. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité un petit peu parler de cela. Alors, c'est un sujet qui est très peu abordé. Pourtant, on a une source importante, les chartes de franchise, ces chartes qui ont été accordées à des villes et qui précisent presque toutes les fonctions militaires des habitants des villes. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je ne peux pas m'étendre énormément. Je vais me limiter justement au contenu des chartes de franchise qui nous donnent les modalités du service militaire des roturiers. Alors, pour comprendre, il faut remonter à l'époque carolingienne, où, à l'époque carolingienne, tous les hommes libres devaient le service militaire au souverain. Mais seuls les riches avaient les moyens de s'armer. Et il a fallu des règlements en disant, quand on possède 3 mans, c'est-à-dire une surface territoire, puis 4, on peut s'armer, mais si vous n'avez pas 3 mans, eh bien vous allez vous en associer avec un qu'on a une pour en faire 3, etc. Donc c'était une question de richesse. À partir du 9e siècle, une division s'établit dans l'armée royale entre les soldats qui combattaient sous le commandement du comte, qui étaient des soldats professionnels, et ceux qui suivaient leur seigneur. Dès la fin du Xe siècle, on assiste à une multiplication des châtellenies, c'est-à-dire des territoires dépendant d'un château, dont les détenteurs détenaient le droit de ban, le pouvoir de commandement, et en particulier le commandement militaire. Le cœur de ces armées était constitué par les chevaliers, ce qu'on appelait les milites, qui étaient les professionnels de la guerre. Mais dès le XIIe siècle, les textes mentionnent des hommes libres qui ne sont ni des vassaux détenteurs d'un fief, ni des milites, mais qui doivent suivre leur seigneur lors des expéditions militaires. Ils doivent aussi, parfois, le service de guet dans le château seigneurial. Alors, c'est ce service militaire qu'on retrouve dans les chartes de franchise. Qu'est-ce qu'une charte de franchise ? C'est, pour reprendre la définition du doyen Schneider, un acte émis par un souverain ou un seigneur reconnaissant aux habitants d'une localité ou d'un groupe de localités un statut particulier dont les droits peuvent être de nature et d'amplitude variables. Condition des personnes et des biens, limitation des droits féodaux et seigneuriaux, contrôle et taxation des activités économiques, autonomie administrative, pouvoir de police et de justice, telles sont les catégories de franchise qui peuvent figurer dans ces documents. Tous ces conditions ne sont pas remplies dans toutes les chartes. En fait, ces chartes avaient pour objectif de régler les relations entre le seigneur et la communauté des habitants, ceux qu'on appelait des bourgeois. Le mot bourgeois, à cette époque, c'est celui qui habite un bourg, et un bourg, c'est justement une localité qui a reçu une charte de franchise. Chaque communauté avait sa charte, du moins beaucoup en avaient, on a des villes qui n'en ont certainement pas eu, mais certaines d'entre elles sont célèbres. On connaît par exemple la charte de Beaumont en Argonne, qui est une des plus célèbres dans la région, mais on a aussi Vervins, Ampres, Richamps-Hainaut, Lauris-en-Gâtinais. Ce sont des chartes qui ont servi de modèle avec évidemment des adaptations. La plupart de ces chartes comportaient un ou plusieurs articles relatifs au service militaire des bourgeois. Les seigneurs ont cherché à conserver le devoir militaire pour eux, alors que les habitants ont essayé, quant à eux, de le limiter, voire de le supprimer. Une charte de l'archevêque de Reims, Guillaume au Blanchemain, datée de 1189, est révélatrice de cette situation. Voici ce qu'ils ont dit. « Comme les seigneurs d'Ormes, Alain de Condé et Thibault l'Enraide, surchargeaient injustement et souvent tourmentaient leurs hommes d'Ormes, en les forçant à aller à la guerre, les hommes d'Ormes ont fait avec lesdits seigneurs l'arrangement qui suit. Les seigneurs pourront, s'ils en éprouvent un besoin pressant pour eux ou pour de chers amis, faire marcher en armes les hommes d'Orme, mais s'ils les retiennent plus d'une nuit, ils leur fourniront tout ce qui sera nécessaire. Les seigneurs ont juré aussi qu'ils ne rechercheront pas les occasions de les faire marcher, et les faibles ou les impotents qui ne répondront pas à la sommation ne seront point assignés pour cette raison devant le juge. Vous voyez, tout est dit finalement dans ce texte. Alors pour se désigner ce service militaire, les chartes en français, en ancien français, utilisent l'expression « host » et « chevauché ». Dans les chartes latines, l'host est appelé exercitus ou expeditio, et puis la chevauchée est appelée equitatio, calvatia, enfin bon, on voit bien la notion de chevauchée. Comme en français, les deux mots se retrouvent souvent ensemble, mais pas toujours dans le même ordre, host et chevauchée, alors qu'en français, ils sont toujours host et chevauchée. En latin, c'est pas toujours le cas, et quelquefois, il n'y a d'ailleurs qu'un seul mot, et généralement, il s'agit de la chevauchée, on verra pourquoi. On voit parfois d'autres mots, host et chevauché et tournoi, host et chevauché et guerre. Donc il y a là des mots qui sont très difficiles pour nous de saisir, notamment de voir les différents. Mais quoi qu'il en soit, à partir du XIIIe siècle, l'expression host et chevauché l'emporte. Comment définir ces mots ? Pour Maurice Prou, le seul document qui fasse une différence est une charte latine du roi Louis VI, daté de 1118, en faveur des hommes de l'abbaye de Saint-Spire de Corbeil. Ce texte nous dit que ces hommes ne devaient participer aux expéditions, c'est-à-dire à l'host, qu'en cas de guerre, deux fois par an seulement. Le nombre des chevauchés est illimité, mais ils ne pouvaient pas s'éloigner de plus de 12 lieues. Donc, pour Maurice Prou, l'host était une guerre importante, une guerre publique, pour la défense du pays, alors que la chevauchée est une expédition de moindre importance. Cette définition pourrait expliquer que, comme les habitants ont essayé de limiter finalement la portée du service militaire, quelquefois, seul le mot chevauchée ait été utilisé. Alors, quelles étaient les conditions du service militaire ? Peu de localités ont obtenu l'exemption totale du service militaire. Par exemple, à Triaucourt, dans la Meuse, les bourgeois sont libres de tout service d'armes et d'expédition militaire. Ils n'y vont pas. À Morue, dans la Marne, les habitants n'iront à l'ost ou à la chevauchée ni avec le comte de Champagne, ni avec un chevalier de sa maison. À Prie, dans les Ardennes, le seigneur ou ses successeurs ne pouvaient ni convoquer, ni mener les habitants en ost et en chevauchée, ni loin, ni près, ni pour eux, ni pour autrui. Là, on a une suppression totale du service militaire. Les bourgeois de Neuvilly, dans la Meuse, ont réussi à se faire exempter du service militaire moyennant une augmentation des impôts. Ceux qui payaient 6 deniers doivent maintenant en payer 12, plus une poule et une autre poule à Noël. Toutefois, l'exemption n'était pas totale, car si par hasard il y avait une menace de la région, il fallait quand même qu'ils y allent, notamment dans l'évêché de Verdun ou dans la châtellenie de Clermont en Argonne. L'exemption a pu être temporaire à Saint-Thiébaut-sous-Bourmont, dans la Haute-Marne, et à Florent en Argonne, dans la Marne. Les habitants furent dispensés du service militaire pendant les 10 premières années qui suivirent l'octroi de la charte. Après, ils le devaient. Quels étaient les objectifs ? Les objectifs de l'host et la chevauchée ne sont pas toujours mentionnés. Parfois, on se limite à dire que le service militaire est dû par les habitants. Bon, je ne vais pas énumérer toutes les villes où c'est, parce que ça serait un peu long. Plus fréquemment, les chartes font allusion aux besoins du seigneur, c'est-à-dire qu'on lève l'os à chevaucher quand le seigneur en a besoin. Ça, c'est très fréquent, mais attention, on précise généralement que ce besoin doit être légitime, ou comme disent le texte, le seigneur ne peut pas convoquer ses hommes pour fausses raisons, c'est-à-dire pour ses intérêts personnels. Alors, ces besoins sont parfois précisés. Par exemple, la défense de la châtellenie du Seigneur à Dun-sur-Meuse et à Flavigny, par exemple, À Jonville, dans la Meuse, la charte a été octroyée par le sire d'Apremont et l'abbé de Gorce. Il y a eu souvent des co-seigneuries. Et bien, dans ce cas-là, les seigneurs ne pouvaient mener les bourgeois à l'ost et à la chevauchée que pour défendre l'abbaye de Gorze, mais pas pour le sire d'Apremont. Les habitants du château de Montmédy, dans la Meuse, n'étaient tenus de suivre le comte de Chigny que s'il s'agissait seulement de défendre la terre et le comté de Chigny. Vous voyez, on a limité ainsi les objectifs. Avançons dans les Ardennes. Nicolas Maigret, chevalier, renonce à l'ost et à la chevauchée sur les manants de la ville qui n'étaient astreints qu'à la défense du village et à la maison du seigneur qu'il possédait dans ce village-là. C'était les seules conditions. Alors, dans les cas d'une co-seigneurie, évidemment, il y avait un risque, c'était au cas où les deux seigneurs étaient en conflit. Dans ce cas-là, la charte prévoyait que les habitants devaient s'abstenir d'intervenir pour l'un ou pour l'autre. À Saint-Julien-sur-Rognon, dans la Haute-Marne, la chevauchée ne pouvait avoir pour but que la défense de la patrie et la récupération du butin. Mais les manants devaient, malgré tout, le charroir. À Bourmont, en Haute-Marne, les bourgeois étaient tenus à la requête du comte du Bar, du sénéchal ou de toute la personne qui agissait en son nom, je cite, « d'aller au cri et au chevauché des quatre châteaux et châtellenies du comte de Bar dans le Bassigny et en Bourgogne ». C'est-à-dire qu'il y avait, comme quatre châteaux étaient menacés, là, il fallait intervenir. C'était Bourmont, La Marche, Conflans-sur-Lanterne et Châtillon-sur-Saône. À Vaucouleurs. Alors, à Vaucouleurs, pour préciser, c'est un seigneur de la maison de Joinville qui est seigneur de Vaucouleurs. Le seigneur ne pouvait mener les habitants en ost et en chevauchée que pour défendre ses possessions, celles de ses fils, de ses gendres, de ses petits-fils, ou celles du seigneur de Joinville, de ses fils, de ses gendres, ou de ses petits-fils. Tout ça était précisé dans la charte. Certains habitants étaient néanmoins exemptés du service militaire. Par exemple, le comte de Champagne a souvent exempté les hommes de 60 ans et plus. Notez le cas, par exemple, à Bar-sur-Seine, La Ferté-sur-Aube, Troyes, etc. À Morville-sur-Seille, dans la Meurthe-et-Moselle, lorsque le seigneur demandait au maire de mener les bourgeois à l'armée, le doyen les convoquait tous, à l'exception des prud'hommes les plus âgés, qui restaient dans la ville pour garder cette ville. D'autres personnes pouvaient être exemptées. Les échevins, en gros guillemets les conseillers municipaux, à Possès, dans la Marne. À Longwy étaient exemptés les tisserands, les ouvriers du droit, tous ceux qui travaillaient la laine. À Florent-en-Argonne étaient exemptés les bourgeois dont les femmes étaient en couche. À Sorbonne, les malades, les maris des femmes en couche qui n'avaient pas de fils ou de sergents pour les remplacer, étaient exemptés. À Varennes-en-Argonne et à Clermont-en-Argonne, ceux qui demeuraient au château, en gros dans la ville haute, étaient exemptés parce qu'ils avaient une charte précédente, alors que ceux qui habitaient dans la ville basse devaient, eux, le service militaire. Le comte de Champagne a aussi exempté, pendant les périodes des foires de Champagne, les marchands. Mais il devait trouver un remplaçant. Comment étaient armés ces manants ? On sait qu'à Thionville, les bourgeois les plus riches devaient avoir une armure de fer et un cheval. Ceux qui ne pouvaient avoir cet équipement devaient être munis d'un gambison, c'est-à-dire un pourpoint rembourré, d'un chapeau de fer et d'une épée. Ceux qui n'avaient pas d'armes de cheval au jour fixé payaient 10 sous d'amende et ceux qui n'avaient rien du tout devaient, eux, 5 sous d'amende. Mais ils devaient s'équiper dans la quinzaine. Si dans la quinzaine, ils n'étaient pas équipés, amende. Et ça pouvait durer tant qu'ils n'étaient pas équipés. À Mézières, dans les Ardennes, à Châtel-sur-Moselle, dans les Vosges, à Commercy, par exemple, dans la Meuse, chacun s'équipait selon ses moyens, et c'était les échevins qui fixaient comment ils devaient s'équiper. Dans des villes du comte de Champagne, Bar-sur-Seine, La Ferté-sur-Aube, Dormans, Châtillon-sur-Marne, par exemple, chaque habitant possédant 20 livres devait avoir en sa maison une arbalète et jusqu'à 50 carreaux, c'est-à-dire les projectiles, chez lui. Dans ces mêmes villes, il était interdit de saisir les armes pour dette ou pour caution. À Joinville, on organisait deux fois par an des revues et les bourgeois devaient, à cette occasion, présenter leurs armes. Dès qu'ils possédaient une livre, c'était là vraiment, bon, c'est une somme importante, mais par rapport à d'autres, c'est relativement modeste, ils devaient avoir une arbalète et 40 carreaux, sous peine d'une amende de 2 sous. Il y avait ceux qui partaient au service militaire pouvaient avoir des dispenses fiscales. Et là, mais les temps n'ont pas changé, c'était les plus riches qui bénéficiaient de ces dispenses fiscales. Par exemple, à Bourmont, ceux qui pouvaient avoir un ronçin, un cheval de somme, une armure de fer, étaient dispensés de payer l'ESFIEF, une taxe qu'on appelle aussi assise de 5 sous. C'était la même chose à Joinville, en Haute-Marne. Quelles étaient maintenant les modalités ? Comment étaient les conditions de la convocation ? Je n'ai trouvé qu'un seul exemple. Bon, j'ai pas tout vu. J'en ai vu beaucoup, mais pas toutes. C'est que, à Morange, en Moselle, la convocation se faisait par le son des cloches et autres bruits. Et donc, il y avait, je vous l'ai dit tout à l'heure, des chartes modèles. C'est-à-dire que, on ne sait pas trop comment ça se passe parce que le texte nous dit, dans telle ville, c'est comme dans telle autre. C'est le cas, par exemple, à Corny-la-Ville, dans les Ardennes, où on nous dit, ben, c'est les mêmes conditions qu'à Vervin. À Véry, dans la Meuse, on nous dit c'est comme à Beaumont en Argonne. Donc on ne précise pas, il faut se reporter évidemment à l'autre charte pour savoir exactement comment ça se fait. Quelquefois, c'est pas même pas aussi précis. Par exemple, à Stenay, dans la Meuse, les bourgeois devaient l'os et la chevaucher comme les hommes des autres villes neuves, mais sans autre précision. Ce service militaire pouvait parfois être illimité. Les manants, par exemple, d'Écueil, Fismes et Hervy, devaient le service militaire au comte de Champagne chaque fois qu'ils le demandaient. Il en est de même à Boudange, en Moselle, quand l'évêque de Metz convoquait, à Villeneuve, au Chêne, dans l'Aube. Donc il y avait quelques villes où, finalement, c'était totalement illimité. À Saint-Dizier, les deux tiers seulement des habitants participaient aux expéditions. Il y en avait un tiers, mais à tour de rôle, hein, ce n'était pas quand même toujours les mêmes. On fixait des conditions. Par exemple, une des conditions qu'on trouve le plus souvent, c'est que les hommes ne partent que si le seigneur est là en personne, voire par son lieutenant. Sinon, ils ne sont pas obligés d'y aller. Cependant, bon, ce n'était pas systématique. À Neufchâteau, par exemple, le duc de Lorraine n'avait la chevauchée que s'il était présent, mais à condition encore que les jurés, c'est-à-dire les échevins, aient autorisé les habitants à aller voir, à aller suivre le duc de Lorraine. Autre condition qu'on retrouve, c'est que les seigneurs d'un village ne peuvent y aller que si tous les habitants de la Châtellenie, des autres villages de la Châtellenie, y vont également. C'est le cas, par exemple, des bourgeois de Rethel, dans les Ardennes, qui ne devaient la chevaucher au comte de Rethel que si toute la Châtellenie était convoquée. De même, le comte de Rethel ne pouvait conduire ses hommes de Bourg et de Mézières qu'avec les deux Châtellenies d'Aumont et de Rethel. Il y avait comme ça des conditions. À Florent, en Argonne, on nous dit qu'après les 10 ans d'exemption, les habitants étaient tenus d'aller à l'Ost quand tous les villages de la Châtellenie de Sainte-Menou y étaient convoqués. Les seuls qui n'y allaient pas, c'était les habitants de Sainte-Menou, parce que eux étaient chargés de défendre la ville, qui était évidemment la place forte. Et la charte disait, si par hasard le seigneur décidait de renvoyer dans ses foyers les habitants d'un village, ceux de Florent partaient aussi. C'était systématique. Ce service pouvait être limité dans l'espace et dans le temps. À Bourg, par exemple, l'ost et la chevauchée étaient exigés dans tout le comté de Rethel, mais seulement dans le comté de Rethel. On n'allait pas à l'extérieur. Les habitants d'Inomont, dans les Ardennes, je cite quelques exemples ardennais, les habitants devaient le service au comte de Champagne, mais n'avaient pas le droit de traverser la Marne. On n'avait le droit d'aller que jusqu'à la Marne. Comte de Champagne exigeait des habitants de Blancheville le service militaire, mais seulement lorsqu'il s'agissait d'aller sur Bar-sur-Aube, Vassy, Sainte-Menoux et à une journée de marche. Par contre, s'il s'agissait d'attaquer la Bourgogne, la Lorraine ou l'Allemagne, là, il pouvait partir tant qu'il voulait et autant qu'il le souhaitait. On fixe quelquefois la distance. Par exemple, à Sorbonne, les hommes ne pouvaient pas aller plus loin qu'à 7 lieues. Il y a une limite géographique. Le temps maintenant, le service militaire était limité dans le temps, très souvent évidemment parce que c'était limité dans l'espace. Alors généralement, on a vu qu'ils ont réussi, dans la plupart des villes, à limiter leur intervention une journée seulement. Ils devaient pouvoir rentrer dans la journée. Il est évident que là, on voit bien qu'il s'agit que de la chevauchée. L'ost, c'était absolument impossible. Ils devaient pouvoir rentrer rapidement chez eux. Comment ces hommes étaient-ils payés ? Participer à une opération militaire, évidemment, occasionnait des frais pour les participants, mais qui les payait ? Dans la majorité des cas, les bourgeois devaient l'ost et la chevauchée pendant un jour et une nuit à leurs frais. Et si par hasard le seigneur demandait que ça dure plus longtemps, c'était à ce moment-là à sa charge. Et si le seigneur ne les payait pas, ils pouvaient rentrer chez eux et ils n'étaient pas condamnés pour cela. À Bourg, c'est la même chose, mais il fallait que les échevins donnent leur avis. La période, évidemment, pendant laquelle le service militaire était dû par les bourgeois, pouvait être variable. Je dis souvent, c'était une journée, mais on voit que c'était 2 jours à Sorbonne, dans les Ardennes, à Bourmont, à Saint-Thiébaut-sous-Bourmont, c'est 4 jours à Rethel, 8 jours à Thionville. Par contre, à Sorbonne, le seigneur payait la moitié des armes et la ville payait l'autre moitié. En l'absence de précision, on peut supposer que le service était aux dépens du seigneur, mais on n'en a pas de preuves. Si les gens ne partaient pas, ils étaient évidemment condamnés à une amende, sauf s'ils avaient une excuse valable. Cette amende, elle était généralement de 5 sous, c'était déjà une somme importante, mais ça pouvait être plus, 10 sous à Bourmont, 25 sous à Thiébaut-sur-Bourmont, le pire c'est à Morhange où c'était de 30 livres. La récidive était lourdement punie. 5 sous la première fois, par exemple, à Bras-sur-Meuse, 40 sous pour la deuxième fois. Je vous ai dit, les bourgeois devaient aussi le service aux fortifications et le guet. Ils devaient des corvées de charrois pour transporter les matériaux pour réparer le château, mais ils devaient aussi faire des travaux aux fortifications. On voit notamment à Saint-Dizier, où la ville devait couvrir de tuiles les portes et les tours, on devait organiser les palissades, etc. Tout cela est précisé, mais avec un grand détail, dans la charte. Dans certaines villes, comme par exemple à Bussy-le-Château, dans la Marne, les manants devaient travailler une semaine gratuitement aux fortifications du château. Il y a ainsi un certain nombre de conditions. À Loupy, par exemple, dans la Meuse, les habitants devaient entretenir les palissades, etc. Bon, je n'insiste pas, le temps est limité. Les bourgeois devaient également participer au financement des fortifications, quelquefois. Ce service, ensuite, le service de guet dans le château, était évidemment très important, car en cas de guerre, évidemment, les châteaux étaient des cibles privilégiées. Alors, dans certains cas, notamment, c'est assez intéressant, à Dun-sur-Meuse, on distingue la garde de jour et la garde de nuit. Alors, c'est amusant, dans la garde de nuit, il fallait signaler au maire les guetteurs défaillants ou ceux qui dormaient, et ils étaient condamnés à une amende de 5 sous. Généralement, les manants étaient chargés de défendre le château et le bourg, mais dans certains cas, ce n'était que le château, dans d'autres cas, ce n'était que le bourg. Par exemple, à Clermont-en-Argonne, les seigneurs ne devaient, les bourgeois ne devaient garder que la ville. Je pense qu'il faut que je conclue. Donc, bien que j'étais rapide, je m'en excuse, les nombreuses chartes de franchise, mais aussi les chartes d'assises de communes, je n'ai pas voulu développer, ce n'est pas le sujet, témoignent de l'intérêt des seigneurs et des bourgeois pour le service militaire non noble. Les premiers ont souvent réussi à le maintenir, les seconds à le limiter, même si, vous avez vu, les dispositions sont assez variées. Mais, comme je l'ai dit en introduction, je ne me suis limité ici qu'aux modalités du service militaire dues par les bourgeois dans les villes qui ont reçu ces chartes. Mais de nombreuses questions restent ouvertes. Quelle fut l'influence des modèles ? Quels étaient les objectifs des seigneurs concédants, et notamment les plus importants, comme les comtes de Champagne, de Bar ou de Rethel ? Les prescriptions des chartes ont-elles été respectées ? Quel fut l'avenir de ces prescriptions militaires ? Quelle était la situation des localités qui n'ont pas reçu de charte ? Et surtout, quel était le rôle précis des roturiers, surtout lors des combats ? La réponse est claire pour ceux dont les chartes précisent qu'ils devaient avoir certaines armes comme des épées ou des arbalètes, voire un cheval, mais qu'en était-il pour les autres, les piétons, qui n'avaient qu'un équipement sommaire, voire aucun équipement ? Toutes ces questions montrent que le service militaire démanant au Moyen-Âge, notamment en Champagne et en Lorraine, mérite d'autres recherches. Je vous remercie. Merci beaucoup à Jacquilus d'avoir tenu le temps et nous avoir montré qu'il y a déjà, quoi qu'il en soit, une forme de contractualisation entre ces civils et combattants provisoires, contractualisation, quoi qu'il en soit, inégale vraisemblablement, mais tout de même ici dans ce contexte de franchise.